Georges, tu ne le prends pas au sérieux. Tu le gâtes. À propos, est-ce qu'il est à la maison? Oui, il est dans sa chambre avec Valérie. Ils écoutent des disques. Valérie, qui est-ce? Mais tu la connais. Elle est en vacances à l'Hôtel du Nord. Elle connaît un peu les Martins, je crois. Ah oui, je me rappelle. Je la trouve très ennuyeuse. Oh, Pierre, ne sois pas si dur. Elle est charmante, Valérie. Écoute, chérie, assieds-toi là dans le fauteuil, allume la radio ou bien lis ton journal. Moi, je te prépare un bon petit dîner. Merci, mais je ne veux pas manger. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui et j'ai besoin de repos. Je ne veux surtout pas manger. Même pas une petite tranche de veau? Non. Une toute petite tranche. Oui, très très petite. Et des frites minuscules. Ah! Voilà Guy et Marie-Claire. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Ils viennent dîner. Ah non alors! Je ne peux même pas être tranquille chez moi. Oh, j'en ai assez. Tu es insupportable.